Mixtape RAP 2M SKA et DJ Triple Platine. Yo, écoute, ouais, écoute, ouais. Ma parole, c'est avec un air écrit que je réécris encore l'histoire en une suite de rimes. À la rap, je lutte dans cet océan infernal. Je vendrai pour rien mon âme au diable. Je vous le dis, les cons, les normes, je suis en norme technique. Deuxième SKA, ouais, ça se complique. Quand on s'implique, s'applique, t'es mal à réplique. Ça soigne la répute, je vais finir par aplatir. Quitte à tenter sans foi, imagine une société sans foi ni loi. Un monde si froid, sans droit ni roi. Là où règne le désarroi, là où la nature. Reprends son toit, nos actions changent-elles vraiment la face du globe? Immonde destin pour certains gosses, image corps. J'bannis les dictatures, trop d'ordures qui profitent en solo des richesses et de l'or pur. Des richesses et de l'or pur. Qui profite en solo des richesses et de l'or pur. Un mot là, résultat du goût amer. C'est l'impact sur l'antipop sans faire de pop. Toujours au top, mon rap dégénère. Une émanation de puissance que la tèche a générée envers les bâtards qui depuis trop longtemps se sont fédérés. Trop peu aspirer, ce monde est fou, tu peux te leurrer. Moi j'ai 10 euros pour finir le mois et mes yeux pour pleurer. Trop longtemps faut croire que c'est toujours les mêmes qui prennent. C'est toujours les mêmes qui gagnent, aseptisés niveau peine. On m'a dit, vis ta vie et c'est comme ça, comme mais ça. Toujours hargneux envers la bâtardise des coups de lobe, ça. Dédicacé à mon refrain, c'est dreadlock. Ça choque, ça veut niquer ce bise buzz. Même si c'est pas du lob, ça veut dire que moi aussi je veux gravir les échelons que certains utilisent sans mérite pour se regarder grossir. Tout le monde le sait, le sent et le constate. Quand vient les carences financières, beaucoup ont de quoi en perdre la tête.